sans l'oublier. Sans l'oublier, on peut fuir ce qu'on aime. On peut bannir son nom de ses discours. Et, de l'absence implorant le secours, se dérober à ce maître suprême. Sans l'oublier. Sans l'oublier, j'ai vu l'eau dans sa course porter au loin la vie à d'autres fleurs. Fuyant alors le gazon sans couleur, j'imitais l'eau fuyant loin de la source, sans l'oublier. Sans oublier une voix triste et tendre, oh, que de jours j'ai vu naître et finir, je la redoute encore dans l'avenir. C'est une voix que l'on cesse d'entendre, sans l'oublier.